fois de plus. CRED qui traîne sa carcasse. Tu connais le deal, crocodile, cuir et Air Max. Un son de soul. Mets-toi à zeler ma couille, pas besoin de gueuler. Débrouille-toi et reste cool. On cherche des jours tranquilles. Fini de gamberger, fou qu'on enquille. Si ça merde, tant pis. Wesh, wesh, hoche la tête. Si le machin est fraîche, c'est direct pour là où tu crèches. Un paquet de malpack, un flash de Sky Mec. Pour oublier le système et les fouflas deck. Aujourd'hui je m'apprête à changer la merde en or pur. Car il est temps de sortir les ordures. Sorti de là où y'a plus de taf. Là où les pulls gras font guénave les putes qui s'usent grave. Mic check, casquette, basket, Nike Air, fly jacket. Cheat binous, bad picous, bad picous, bad picous, mec. Une fois de plus, c'est Red Kiro dans terrain ardu. Mal vu comme un barbu dans un système laïque. T'as vu ici c'est shit, sex, c'est venir rap, musique, soul, fuck. Le son que méga louche et les poubelles. Pas sous le pulpit, tu me dirais que j'annonce la couleur frère, cash tar et strax ou skeg frère. Je la joue flashback comme l'époque du Lacoste. Un Smith dans les blocs et sol survivor comme Pitrock. À peine sorti du bloc et l'engrenage démarre, vis etc. Bref, toujours la même histoire et la résine fait des trous dans mes sables comme sur ma mémoire. Et l'OV viennent par défaut de dans le speed. Ouais, j'ai la dalle, mais j'évite le charme de la gourmandise. Frère, enfin du bon pour les gars. Enchaîne bon son dans le boss, cool of the game. Jackson 5 et Barry White, Coca Sky et Marais. One, quartier rouge, number one. Ma soul fume, ouais ouais. Ma soul brûle, ouais ouais. Ma soul tue, ouais ouais. Ma soul pull, bitume. Ma soul plume, ouais ouais. Ma soul pute, ouais ouais. Ma soul est brute, ouais ouais. Ma soul pull, bitume. Ma soul est dure, ouais ouais. Elle persécute, ouais ouais. Elle t'exécute, ouais ouais. Ma soul pute, bitume. Ma soul est pure, ouais ouais. Ma soul perdure, ouais ouais. Scotte ta voiture, ouais ouais. Ma soul pute, bitume. Ouais ouais ouais. Ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on kiffe ce son là. Ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on kiffe ce son là. Et Banda, tu sais qu'il y aura une suite. Tu sais qu'il y aura une suite. Notre son n'a pas de barrière, notre son n'a pas de frontière. En arrière, ouais, ça fait longtemps ça. Longtemps qu'on kiffe ce son là, longtemps qu'on kiffe cette vibe. Longtemps qu'on kiffe te mettre bien, bien, bien, bien. Pas une photo, ils l'ont emporté largement. C'est fini pour aujourd'hui.